Êtes-vous prêt pour un peu de nouveauté? Le poste d'écoute est maintenant ouvert. Bonjour et bienvenue dans le poste d'écoute, émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante, comme si j'avais besoin de vous le dire. Cette semaine, on a beaucoup de nouveautés en francophone. C'est par ça qu'on va commencer dans cette première heure. On va avoir les artistes de Mars avec Terriblement Terrestre, Marco et les Torvis avec Persilvam, Marc-André Savard avec Déficit d'attention, Pat Lagueux avec Passé décomposé. Mais on va commencer ça avec deux samples, deux albums qui n'ont qu'une seule pièce dessus. Tantôt, on va entendre la formation Cougar avec Supernova. Mais pour l'instant, un groupe qu'on connaît parce qu'ils sont passés par les palmarès de C'est Fou. Voici 01 avec Clark et Park, Mingo, l'Indien, Remix, dans le poste d'écoute au 89 FM. C'est fou, ça! We'll be right back. Le poste d'écoute. La pièce Supernova de la formation Cosmos point d'interrogation, Cosmos point d'exclamation. Très, très beau nom de formation. J'aime ça. J'aime beaucoup ça. Avant ça, on a entendu du côté de l'autre côté, hein, dans l'autre lecteur, ça. La formation 01 avec Clark et Park, Mingo, l'Indien, Remix, ici, dans le poste d'écoute. On découvre les nouveautés musicales pour la première fois, tous ensemble, au 89.fm. Et là, la raison que je stalle comme ça dans le temps et que je dis des affaires, c'est parce que je cherchais le site de Cougar, Cougar, puis même pas écrit sur leur pochette, fait que je pourrais même pas parler d'eux autres. C'est le fun quand ça arrive, mais c'est comme ça. On va continuer, pourquoi... Ah non, on va parler de 011, parce que ça, je peux en parler. Hein. C'est un groupe montréalais qui, d'ailleurs, va être en spectacle le 2 juin pour lancer leur premier album au Green Room, 2 juin à Montréal. On a hâte de recevoir l'album au complet. Ce qu'on a reçu, c'est seulement un simple de la pièce Clark et Park Remix. Allez voir myspace.com/pop011 pour en savoir plus sur cette formation qu'on aime beaucoup et qui est passée par les palmarès, je dirais fréquemment. Ici, assez fou. Leur album s'appelle Calcul désintégral. Ça sort le mardi 2 juin, je vous rappelle, au Green Room pour le lancement à Montréal. On continue avec Pat Lagueux, toujours du côté francophone. Son album s'appelle Passé décomposé. Et tout de suite, voici Roland. Dans le poste d'écoute de C'est fou au 89 FM. C'est la radio complète de Trois-Rivières. Son petit brandy le soir avant de se coucher, mais du brandy il en boit toute la journée. des bintanées. Roland a perdu sa maison dans le feu. Faut dire qu'il est pas chanceux. La clé de son garage a tourné cette année. Puis Yolande l'a quitté. Mais rien ne se perd. Tout a gagné. Même si c'est pas cette année. Le chien de Roland est mort aujourd'hui. Couché sous sa galerie. Roland voudrait bien appeler sa fille chérie, mais il se parle plus depuis des mois. Rien ne se perd, tout a gagné, même si c'est pas cette année. Dans l'avant-midi pour prendre des nouvelles de lui. Roland a slaqué sur le brandy puis s'est remis à travailler. En espérant que c'en sera une que t'aimeras. Comme un câlin un peu câlin, j'ai voulu te serrer dans mes bras. Faut croire que l'amour, ben c'est comme ça. Je sais que je pars parfois de bord en bord. Pas que je veux mal faire quand je fais ça. J'suis peut-être juste un peu maladroit quand je veux prendre du temps pour moi. Juste un peu d'air, ça fera l'affaire. Pour du bon temps ensemble à ton chalet, on s'en ira pour y rester. Le mois de mai. J'ai dans la tête nos projets de bébé. Un de perdu, deux, trois de retrouvés. On se bâtira une piole en campagne près d'un boisé. Toutes ces rêves-là, je les rêve avec toi. En attendant tout ça, à ton chalet, on s'en ira pour y rester tout le mois de mai. tout ça, à ton chalet on s'en ira pour y rester tout le mois de mai. Ben oui, c'est là que je reviens parce que je me dis que ça me tente pas d'en entendre une autre. Tu sais, finalement, hein, c'est de même, ça se passe des fois dans le poste d'écoute. On aime ça. On vient d'entendre Pat Lagueux avec Passé décomposé, c'est le nom de son album. La pièce s'appelle Le goût de mai. Et avant ça, il y avait Roland. C'est pas quelque chose qui va tellement jouer sur les ondes de C'est fou, je crois. Mais il vient de Sherbrooke. C'est du acoustique folk rock. Et puis, c'est ça. Donc, Passé décomposé, c'est son premier album solo. Chanson de fond, de tiroir et nouvelle inspirée de son monde bien à lui, de notre belle société. En vente à Montréal, non à Sherbrooke, au Musique Cité, si ça vous intéresse. Moi, pas vraiment. On va continuer avec la musique de Marc-André Savard, pourquoi pas. Son album s'appelle Déficit d'attention. Voici Est-ce qu'on peut vivre pareil? On pose écoute de C'est fou au 89.1. Sans soleil et sans merveille, sans être emballé par un être qui t'empête de ses yeux tes idées, sans vouloir disparaître parce que tu sais pas quand, quand lui dire qu'elle t'attire plus que toutes les aimables. Est-ce qu'on peut vivre pareil? Est-ce qu'on peut vivre pareil? Sans couleur au réveil, sans être à côté d'une beauté, mais toute nue, bien contouée, bien collée, qui est trop bonne quand elle se donne et qui veut te garder en forme. Y'a qu'une âme qui s'adonne sur vos corps qui fusionnent. Est-ce qu'on peut vivre pareil? Est-ce qu'on peut vivre pareil? Qui déconne parce que t'as trouvé trop le fun de t'amener dans des zones Amazon comme personne. Est-ce qu'on peut vivre pareil? Est-ce qu'on peut vivre pareil? Est-ce qu'on peut vivre pareil? Est-ce qu'on peut vivre sans frisson des orteils, tout droit déclenché d'un baiser, tellement doux dans ton cou, tellement fou. Wow! Qui déclenche tous tes sens comme le feu et puis l'essence. Qui dit tout sans un doute du début jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut vivre pareil? Est-ce qu'on peut vivre pareil? L'été c'est sexe avec l'humidex, l'explosion. dose au max qui oblige toutes ces belles femmes à tourmenter leur corps, mon âme, l'été c'est sexe. Avec ces beautés qui prennent leur place sur les trottoirs, sur les terrasses, les beaux bourgeons prennent toute la place. Ah ouais, les beaux bourgeons prennent toute la place. L'été c'est sexe. Avec toutes ces fesses qui respirent mieux qu'avait besoin de voir le soleil, vendre des couleurs, ça qui réveille. L'été c'est sexe. Avec toutes ces femmes belles comme la terre, tellement sucrées, tellement d'enfer. Ces signes d'été reviennent à cœur. Ces signes d'été reviennent à cœur. Chardin hiver, va-t'en donc, fais donc de l'air. Laisse donc toutes ces beautés du monde, respirez l'air chaud comme l'enfer, jardin d'hiver. Va-t'en donc, laisse ton père. T'as eu ta chance, t'es ordinaire. L'été est sec, tu peux rien faire. L'été c'est sexe. Avec toute cette sueur qui nous tombe sur nos beaux corps qui font du sport déshydraté, au moins des efforts. L'été c'est sexe. Tellement c'est hot au-delà des portes de nos maisons en pleine cuisson. Pas question de climatisation. Jardin d'hiver, va-t'en donc, fais donc de l'air. Laisse donc toutes ces beautés du monde respirer l'air chaud comme l'enfer. Jardin d'hiver, va-t'en donc, laisse donc faire. T'as eu ta chance, t'es ordinaire. L'été est sec, tu peux rien faire. L'été est sec, tu peux rien faire. La fièvre, je sais que ça sonne ordinaire, mais moi ça me met en calvaire, pas être en shape comme à l'ordinaire. On m'a pogné un coup sec, oh, tellement, tellement, tellement frette. Un grand coup de vent droit à la tête, plus fort qu'une tempête. Oh, je fais de la fièvre, mon dit j'ai ça à être veg. Passer clair de mon temps à voir le temps passer. À moitié je répare les pilules qui sont censées m'aider. Je fais de la fièvre. Non, non, non, je fais de la fièvre. Non, je fais de la fièvre. Non, non, non, non, je fais de la fièvre. Le gros mal de tête qui me crève d'avoir le corps à l'envers. j'ai rien fait pour l'avoir. Je sais que ça sonne ordinaire, mais moi c'est le meilleur calvaire. Pas à être en chaîne comme à l'ordinaire. Non, non, non, je fais de la fièvre. Non, non, non, je fais de la fièvre. Ouh, je fais de la fièvre. Non, non, non, non, non, je fais de la fièvre. Non, non, non, je fais de la fièvre. Je fais de la fièvre. Je fais de la fièvre. Marc-André Savard et Je fais de la fièvre de son album Déficit d'attention. C'était précédé de la pièce L'été, c'est Sax. Et puis on a débuté avec Est-ce qu'on peut vivre pareil? En voyant les titres d'album, L'été c'est sexe et tout ça, je pensais que ça allait être comme vraiment, tu sais, quétaine. Mais bon, je trouve ça pas si pire, c'est bon. Marc-André Savard, auteur, compositeur, interprète, né à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Ça dit ici sur son document de presse, toujours en constante quête de nouveaux rythmes entraînants. Emma s'est mariée à merveille, ses textes audacieux et sa musique en diablé avec un brin d'humour et de critique de la vie quotidienne. Présentant une musique pop, rock, dance, funk, groovy, rock and roll, Emma possède le remède miracle tant pour ceux qui veulent se dégourdir les jambes que pour ceux qui désirent assister à un spectacle qui rock la cabane. Voilà pour Marc-André Savard, son album est Déficit d'attention et son site est au myspace.com/Marc-André Savard ou sinon emmasavard.com. On reste du côté francophone, oui, pour aller entendre Marco et les Torvis avec l'album Père Sylvain. Tout de suite, voici Deux Montagnes. C'est fou, 89 FM, c'est le poste d'écoute. J'ai pas le goût, tu dis c'est quand je rentre. J'ai pas le goût d'abandonner mes chums, ceux avec qui j'me fais ben du fun. M'inquiète pas, je t'en veux pas. J'pars de la plage ici, vraiment pas ça. J'veux juste te dire que pour mon avenir, j'veux juste avoir la liberté de choisir. Parce qu'en nous deux, c'est plus qu'un jeu. Toutes ces histoires autour du feu, les yeux qui brillent à se faire vivre. Ça a l'air bizarre, mais ça me rend malheureux. Obligé de changer, j'ai pas le goût de parler de marier, j'ai pas le goût de me voir pour un autre, j'ai pas le goût d'être enfermé d'une fausse. M'inquiète pas, j'suis toujours là. C'est sûr que man est fort de décider, prendre ses distances ou d'être proche à planche. Écoute-moi donc, faudrait se poser des questions. Parce qu'entre nous deux, c'est plus qu'un jeu. Toutes ces histoires autour du feu, les yeux qui brillent à se faire vivre. Ça a l'air bizarre, mais ça me rend malheureux. poste d'écoute. Rien dans le frigidaire, j'ai même plus d'eau pour me laver. Peux-tu ben me dire comment faire pour arrêter de m'endetter? Ma carte Visa est dans le rouge, la Mastercard j'en parle pas. Mon scooter est plus dans le cours, qu'est-ce que tu veux plus que ça? Qu'est-ce que tu veux plus que ça? Ma guitare cassée en deux, parce que le bon Dieu m'en voulait. Mon drame est vraiment pas mieux, y'a pris l'eau pis sans mon vin. Comme si c'était pas assez, ben le chômage m'a coupé. Sans raison, c'est que sont épais. Madame pensait que je travaillais, mais qu'est-ce que je peux faire pour arrêter de m'endetter? Va-t-il falloir que je boive la bière pour oublier que je suis cassé? Ouais. J'suis allé voir le docteur parce que je filais vraiment pas. Il m'a dit que mon point au cœur, ben c'est normal, ça fait ça. T'es endetté pis t'es pauvre, ton stress se change en névrose. Pis quand t'es temps de faire une pause, ça devient morose. Mais qu'est-ce que je peux faire pour arrêter de m'endetter? Va-t-il falloir que je boive la bière pour oublier que je suis cassé? Pour oublier que je suis cassé, oui, oui. Ma vie c'est une vraie badlock. Arrêtez de me foutre dans le trouble. Attendez pas, je me choque. Je pourrais devenir fou pour oublier que je suis cassé. Guitariste m'a lâché parce qu'il joue avec Marie-Mé. Un manne jure de me tanner. Moi toujours ferai ben chier. Je vais me payer avec votre fric un aller simple au Mexique. Mais qu'est-ce que je peux faire pour arrêter de dépenser? Va-t-il falloir que je boive la bière pour oublier que je suis cassé? Pour oublier que je suis cassé? I called you last night in the hotel. J'suis parti sur le pouce une coupe de temps, histoire de me refaire par Honda. Attendre mes rêves sur le highway. De mes souvenirs, l'asphalte a sûrement déjà vu pire. C'est temps de faire du ménage dans moi. Au revoir des airs, je suis parti du sol pour la gloire. C'est une journée comme dans les vues, l'histoire du gars qui en peut plus, qui monte en ville pour se chercher. Village, c'est bien dommage, c'est vraiment beau quand t'as d'ouvrage. Mais c'est d'ouvrage juste s'en trouver. Au revoir l'enfer, je vais pas me sortir de la misère. J'en peux plus, quitte à rester dans la rue. Chaque manquant, ma fin d'attaquer les champs. Pour que je résiste, ça va pas plus que terroriste. Dans un mois, on se verra là-bas. ciel, les deux pieds drettes dans le gravel. J'sais pas quand est-ce que j'vais arriver. J'arriverai à soir, anyway, j'ai rien sur l'horaire. J'en peux plus, qui t'a laissé dans la rue. Chaque manquant a fait un drôle d'acquis des chambres. Pour que j'résiste, ça va pas me plus qu'un terroriste. Dans un mois, peut-être bien qu'on s'en verra là-bas. Sur le pouce, une coupe de taille, histoire de me refaire par en bas. Attends mes rêves sur le highway. Dans la poussière de mes souvenirs, l'asphalte a sûrement déjà vu pire. C'est temps de faire du ménage dans moi. Au revoir des airs, je suis parti tout seul pour la gloire. Au revoir l'enfer, je vais me sortir de la misère. J'arriverai. Finale classique pour la pièce Chaque mon camp de Marco et les Torvis avec leur album Persilvam. Avant, il y a eu la pièce Bad Luck. On a débuté avec Deux montagnes. Ça fait les trois premières pièces de l'album de Marco et les Torvis, qui est un groupe de Forestville, Saint-Hyacinthe, au Québec. C'est du swing country acoustique. Allez voir myspace.com/les Torvis ou marcoetlestorvis.com. Marco et les Torvis, antidépresseur 100% organique, éprouvé pour ses propriétés énergisantes à l'égard de tout ce qui respire autour d'une scène, disent-ils. Ce faisant, chaque spectacle devient un happening qui se transforme au gré des salles, esprit débridé et frénésie contagieuse. Marco, accoté par 6 musiciens en feu, offre un concentré millissime de fête. Un sens de l'improvisation affûté à l'extrême, une spontanéité déconcertante et un humour craquant sont autant de petites bulles d'énergie qui se reproduisent à l'infini lors des spectacles. Beau texte sur leur MySpace. Marco et les Torvis, et l'album s'appelle Persilvam. On reste du côté francophone. Je crois que c'est le dernier album francophone de cette semaine. Non, il en reste un. Oui, il en reste un. Alors, on va entendre De Mars avec son CD Terriblement Terrestre. Voici la pièce titre tout de suite dans le poste d'écoute. On découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble à C'est Fou 89.1 FM. Et reste avec nous parce que plus tard, le dernier groupe francophone. Non, Caroline, arrête de dire ça, Mathieu. Arrête, il en reste plein. Waouh, on a donc bien beaucoup. Waouh. Me voulait impressionner. Échapper au bercail. poste d'écoute. yeux fermés, sans aucune raison. Le temps devient si lourd, mon cœur sous le verrou. Le temps devient si lourd, je vous dis que j'en prends un coup. Hey, hey, y'a des jours où je sens que mes rêves s'amènent. Je ne prends jamais le temps de les vivre au soleil. Un plan d'action se dessine sous mes yeux. De mars, il y a des jours comme ça dans le poste d'écoute précédé de Toi et de Terriblement Terrestre. Donc, on a entendu les trois premières pièces de l'album de Demars qui s'appelle Terriblement Terrestre. Lui aussi, parlons un petit peu de Demars. Tiens, myspace.com/demarsmusique, c'est le site web. L'album est disponible en magasin maintenant. Il a été lancé le 26 mai. C'est un artiste du Québec. Ça dit pas sa ville sur MySpace. Par contre, ça dit « Comme un vide à l'intérieur, cherchant à se disperser et côtoyer la lumière, la musique est en air depuis longtemps au fond de cet artiste qui est de Mars. Compositeur hors pair, il s'amuse à fignoler des airs pour trames sonores de films et télé. Fin 2005, bifurcation d'événements l'amenèrent à de sérieuses décisions, d'où naquit l'idée de réaliser un album pop-rock anglophone. Un travail acharné, des mélodies somptueuses et un désir de passionner les gens en résultèrent. » C'est son texte. Écrit de sa main, peut-être, sur myspace.com/demarsmusique. Allez-y si ça vous intéresse, et l'album s'appelle Terriblement Terrestre. Je disais qu'il nous reste encore pas mal de francophones. Tantôt, on va entendre Galant, tu perds ton temps, une formation dont j'entends le nom assez fréquemment. J'ai bien hâte d'entendre ça. Mais pour l'instant, pour terminer cette merveilleuse première heure du poste d'écoute, hein, c'est, disons que notre moyenne n'est pas géniale jusqu'à maintenant. On va l'entendre Guillaume Arsenault avec son album Géophonique. Voici Pluie. Non. Ah, les chiffres sont dans le désordre total là-dessus, hein, c'est le fun. Tour. Sérieusement, c'est bizarre. Tour, tout de suite, de Guillaume Arsenault dans le poste d'écoute. Ah, c'est fou! Dans vos oreilles. À Matapédia, avec mon char de New Carlisle, on va aller voir un film au festival de Cannes, de Roche. Moi te chanter ma tune à Matane, moi t'appeler Minou à Capcha, moi te bécoter dans Sébec, moi te caresser dans Carleton. Tes seins dans mon esprit, mon joli corps en péninsule, tu vas me dire mon loup, oui, quand je m'enlève ton chandail en Chandler. De tour en tour, tu m'agaces le pays. Tu m'agaces le pays. Je te tourne en tour, ma bébé des chaleurs. Watch me le gâchis rendu à Chigawak. Moi brûler ma mèche au Michel et te tromper pour une. Bonne aventure, toi tu vas être un esquiminac. Ce sera pas beau, j'aurai la gorge serrée, je t'aurai fait mal, bébé. Toi tu vas appeler ta sainte Omer pour y pleurer ta mine de madeleine. Sur la pointe des pieds, je ferai mon chemin de croix. Mon âme et c'est mon corps, démon. Mes flots rancent sans toi à Hope Town t'espéreront. Je te tourne en tour. Tu m'agaces le pays, tu m'agaces le pays. part, tu vas me féliciter de rester fidèle et de percer tes mystères. Nous en rirons fort, rions. Moi, chanter, I am a amkoui. Puis tu m'aimes pour toi, moi, tout gaspiller à gaspiller. Je serai Douglas Town et aussi franc que Saint-François. Assis devant toi, je te tourne en tour. Tu m'agaces le pays. Tu m'agaces le pays. Je te tourne en tour, ma baby des chaleurs. Je te tourne en tour, tu m'agaces le pays. Tu m'agaces le pays. Je te tourne en tour, ma baby des chaleurs. Viens-tu faire un tour, ma belle? Viens-tu faire un tour avec moi pour toute la Sainte Flavie? Guillaume Arsenault avec la pièce Tour de son album Géophonique. C'est la fin de la première heure du poste d'écoute, mais on va entendre d'autres pièces de Guillaume Arsenault dans la deuxième heure et on va aussi entendre Galant, tu perds ton temps. On va entendre Sub avec To This Beat et Scatterheart avec The Master Plan. C'est dans la deuxième heure du poste d'écoute. Je vous rappelle d'aller voir le www.unechance.com pour connaître les pièces qui ont joué dans l'émission d'aujourd'hui, dans toutes les émissions du poste d'écoute, et aussi pour télécharger la balado-diffusion en MP3. C'est www.unechance.com. Et je vous dis aussi qu'on est toujours en direct les vendredis matins à 10h. On rappelle les lundis à 15h tout l'été. Restez avec nous. Bonjour, c'est la deuxième heure du poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble. Ça, c'est vous et c'est moi, Mathieu Plante. Toujours en direct les vendredis matins à 10h, on rappelle, les lundis à 15h. Dans cette deuxième heure, on va entendre plein de choses variées. Scatterheart, Sub. Il va y avoir des chansons traditionnelles à capella tantôt avec Galant, tu perds ton temps et leur album 2. Mais pour l'instant, on était en train d'entendre Guillaume Arsenault avec son album Géophonique. Voici la deuxième pièce de son album, c'est Pluie. Tout de suite, à C'est fou, 89 FM, la radio campus de Trois-Rivières. C'est dans vos oreilles. La nuit est douce pour m'y retrouver. Le jour est lourd sur mes yeux gonflés. La vie nous soulève si on sait l'écouter, mais nous, nous acharnons à tout lui demander. La nuit est douce sur les bouts de papier, le jour est lourd sur les crayons usés. La vie nous mène là où l'on veut se laisser ramener, mais nous, nous acharnons à tout contourner. À prendre la mort à l'eau, puis on se retrouve les mains bien attachées, les yeux bandés par la routine, nos gestes faits par des machines. Si on prend la nuit par le soir, si on prend le jour par le matin, on trouve nos éclats d'espoir un peu partout le long du chemin. Un peu partout, un peu partout le long du chemin. La nuit est douce pour m'y retrouver, le jour est lourd sur mes yeux gonflés. La vie nous soulève si on sait l'écouter, mais nous, nous acharnons à tout lui demander. La nuit est douce sur les bouts de papier, le jour est lourd sur les crayons d'écolier. La vie nous mène là où l'on veut se laisser ramener, mais nous, nous acharnons à tout contourner. À ne pas prendre et à ne pas apprendre. À ne pas prendre, à ne pas apprendre. On se retrouve dans la tranquillité, la conscience au cosmos. L'orage n'est plus une catastrophe. J'ai oublié de prendre mon parapluie. Qu'elle lui dit, il la regarda sans comprendre et l'emmena danser sous la pluie. Et la pluie tombe et la pluie nous sourit. Si on allège nos regards alourdis, les pantins de sel ont manqué les arcs-en-ciel. Car ils se sont enfuis, leurs yeux à leurs pieds, leurs jambes à leur cou. Ils se cognent la tête, ils se plaignent de tout. Ils se plaignent de tout. Ils ne veulent pas apprendre la vie sous la pluie. Just like a little Buddha. Comme des petits Bouddhas sous la pluie. Just like a little Buddha. Just like a little Buddha. Just like a little Buddha. With a little Buddha. With a little Buddha. Just like a little Buddha. Under the rain. Under the rain. Chevauche les mots tôt. Cette langue de mots rue dans la saumure. Elle ne veut pas que ma parole meure. J'ai toutes sortes de mots parleurs. J'ai toutes sortes de mots parleurs. J'ai aussi des mots roses, âpres comme le son de l'armon. Et du mollusque au molosse, du morpion au sumo. Tous se sont émus, même le homard pleure de tristes larmes mortes aux pieds de son saule. Pleureur, j'ai toutes sortes de mots. Tandis que dans la bouche de l'homme parleur, les mots d'amour roulent comme des perles et se mordillent la pomme dans le mot tel. Les hauts parleurs engraissent les gros mots, les morsures de loups qui en ont marre de ramer seuls sur la mer sans figure de proue. Et ils se morfondent à chercher le bon mot, mais le bon mot ment. Mais le bon mot ment s'il ne vient pas de son propre port, de son propre porte-bonheur, de son propre mot parleur. J'ai toutes sortes de mots. Allez, montez le son des mots parleurs. Montez les fréquences des mots parleurs. Alors qu'on se passe le mot aime, ou qu'on se donne le mot niteur, même dans le mot derne, rien n'est modifié, c'est le souffle de l'âme, le visage de l'esprit. Alors parle. Guillaume Arsenault. Que je te vois. Mot parleur, j'aime ça. C'est bon. Ça prend pas grand chose des fois pour faire une pièce, juste une syllabe, tu sais. Mot. Guillaume Arsenault, son CD s'appelle Géophonique. On vient d'entendre donc la pièce Mot parleur. C'était précédé de Pluie et de Tour qui a débuté ça à la fin de la première heure. L'auteur-compositeur-interprète gaspésien Guillaume Arsenault lance son troisième CD, Géophonique, un voyage dans l'espace son, qui est disponible depuis le 5 mai. Après avoir. Mais qu'on vient de recevoir ici, assez fou, évidemment. Si c'est nouveau pour nous, si on l'a pas reçu, c'est nouveau pour nous. Hein. Après avoir emprunté sur ses précédents disques L'Arbre en 2002 et L'Horreur des îles en 2006, Les Avenues de la chanson folk, Arsenault poursuit son aventure musicale en explorant des textures sonores inattendues, du coup de carabine .308 de son père au ronron d'un télécopieur ou à un compresseur de réfrigérateur. Poussant un cran plus loin le concept du courant folktronica, Géophonique ne se contente pas de sons électroniques plaqués sur une mélodie de guitare acoustique. Plutôt, Guillaume et ses collaborateurs ont choisi d'exploiter la nature ambiante, rurale et urbaine, animale et humaine, organique et artificielle. En compagnie du globe-trotter réalisateur Eric West-Millette et de sa brigade d'instruments inusités et inventés, plusieurs invités prestigieux, oui, sont venus prêter main forte au projet, tel Bia qui offre sa voix, Charles Papasoff qui souffle dans son saxophone baryton, Charles Imbeau aux trompettes acoustiques et électroniques, des trompettes électroniques. Et il y a aussi Martine H. Crispo aux courtes pointes et dentelles électroniques, Éric Dion aux guitares en tout genre. Bon, là, ça dit... D'ailleurs, à elle seule, la liste des outils utilisés donne le tournis. Guimbarde, je crois qu'on dit. Didgeridoo à coulisses, porte de congélateur, dactylo, térémine, hache et bûche de tremble. Incroyable. Le résultat est une collection de chansons à l'écriture fine et poétique sur des musiques qui font le pont entre la tradition et le futur, dit-il. Géophonique. Qu'entends-tu quand tu es là? Où es-tu quand t'écoutes ça? Grunge de grange ou drum and braise? Un mélange culotté qui saura ravir les amateurs de chansons et les explorateurs de sons. J'aime ce document de presse-là, je trouve qu'il est bien écrit, tu sais. C'est rempli de compliments, comme toujours, mais je trouve que c'est cute de la façon que c'est écrit comparé à d'autres documents de presse qu'on reçoit qui sont plutôt mauvais. GuillaumeArsenault.com ou MySpace.com/GuillaumeArsenault. Je vous rappelle que l'album s'appelle Géophonie, qui c'est disponible en ce moment même. Allez voir aussi MySpace.com/GuillaumeArsenault. Et c'est rare que je me range jusqu'à la fin de la musique de fond, hein. C'est très rare que je parle aussi longtemps que ça. Tout de suite, on change d'album. On va entendre Galant, tu perds ton temps avec leur album qui s'appelle Galant, tu perds ton temps 2. C'est un album double et on commence avec la première pièce du premier CD, Les promesses du galant. Ces beaux messieurs pensent que l'on ne les connaît pas. Ces beaux messieurs pensent que l'on ne les connaît pas. Méfiez-vous donc, mesdames, de ces jeunes amants qui vont voir les demoiselles que pour passer le temps. Ces beaux messieurs pensent que l'on ne les connaît pas. Ces beaux messieurs pensent que l'on ne les connaît pas. Qui vont voir Monsieur pense que l'on ne les connaît pas. Le chapeau à la main, la canne sous le bras. Le chapeau à la main, la canne sous le bras. Un salut à celle-ci, un baiser à celle-là. C'est beau, monsieur pense que l'on ne les connaît pas. C'est beau, monsieur pense que l'on ne les connaît pas. Un salut à celle-ci, un baiser à celle-là. Un salut à celle-ci, un baiser à celle-là. Ces beaux messieurs pensent que l'on ne les connaît pas. Ces beaux messieurs pensent que l'on ne les connaît pas. Tantôt ils vont les voir, tantôt ils n'y vont pas. Tantôt ils vont les voir, tantôt ils n'y vont pas. Si mademoiselle est riche, monsieur l'épousera. Ces beaux messieurs pensent que l'on ne les connaît pas. Ces beaux messieurs pensent que l'on ne les connaît pas. Voyez comment font tous ces beaux messieurs-là. Voyez comment font tous ces beaux messieurs-là. Le boss écoute. Si par un beau dimanche au soir, mon amant est venu me voir. Si par un beau dimanche au soir, mon amant est venu me voir. Oh, il est venu dans ma jolie chambrette. Il est venu à la cachette. Il est venu dans ma jolie chambrette. Il est venu à la cachette. Mais quand ça vint pour le souper, c'est du poulet pis du rôti. Mais quand ça vint pour le souper, c'est du poulet pis du rôti. Ah, des sucreries, du raisin, des amandes. Ce n'est pas cela que mon cœur demande. Des sucreries, du raisin, des amandes. Ce n'est pas cela que mon cœur demande. Mais quand ça vint sur les minuits, mon beau galant, retirez-vous. Mais quand ça vint sur les minuits, mon beau galant, retirez-vous. Ah, passez, passez par la porte en arrière. Crainte de rencontrer ma bonne mère. Passez, passez par la porte en arrière. Crainte de rencontrer ma bonne mère. Fait deux ou trois pas, cette bonne dame il rencontra. Il n'a pas fait deux ou trois pas, cette bonne dame il rencontra. Ah, d'où passage. Ce n'est pas ici votre passage. D'où venez-vous, beau page, mon beau page? Ce n'est pas ici votre passage. Excusez-moi, ma bonne dame, car si j'ai pris ce passage-là. Excusez-moi, ma bonne dame, car si j'ai pris ce passage-là. Si elles étaient prêtes, j'avais apporté des chemises à manchettes. Je suis venue voir si elles étaient prêtes. C'est fou, ça n'a pas d'allure, c'est malade. 89. Je voudrais, maman, je voudrais vous dire, je n'ose. Je voudrais, pourtant, je voudrais, maman, vous dire mes sentiments. À la fin, vous savez ce que j'ai désiré, vous le savez sans doute. À la fin, vous savez ce que j'ai désiré. Oui, maman, vous le savez. Oui, maman, vous le savez. Je ne peux deviner ce qui peut te manquer, ton discours me commande. Je ne peux deviner ce qui peut te manquer, une fille si bien traitée. Le matin à ton lever, au thé, au café, le sucre dedans la tasse. À la fin du repas, du bon chocolat, dis-moi quels sont tes embarras. Dis-moi quels sont tes embarras. Tu as des souliers colorés, brodés que tu portes le dimanche. Tu as des souliers colorés, brodés, pas soin pour vignoler. Tu as de beaux habits qui m'en coûtent le prix, des coiffures à la mode. Aussi de beaux rubans, mais dis-moi mon enfant, quels sont tes sentiments? Quels sont tes sentiments? Tu as chambre garnie de tapisseries, de fauteuils et de chaises. Tu as chambre garnie de tapisseries, comme les dames de Paris. Tu as miroir doré, table de noyer, aussi une commode. Aussi châssis vitré, dis-moi ma beauté, ce qui peut bien te manquer. Ce qui peut bien te manquer. Tu as un beau lit garni de rideaux dans lequel tu couches toute seule. Tu as un beau lit garni de rideaux, retapé comme il faut. Je te laisse dormir, n'as-tu pas tes plaisirs, n'es-tu pas bien heureuse? Je te laisse dormir, n'as-tu pas tes plaisirs? Non maman, c'est pas mes désirs. Non maman, c'est pas mes désirs. Vous savez coucher sur mon lit dormant, que mon esprit s'occupe. Vous savez coucher sur mon lit dormant, pour moi j'ai point d'amant. Si mon lit est joli, maman et Marie en feraient la garniture. Si mon lit est charmant, oui maman et amant ferait mon contentement. Je voudrais pourtant de Galant, tu perds ton temps. Alors ça, c'était À la cachette et les promesses du Galant. Ça vient de leur nouvel album Galant, tu perds ton temps 2. Et puis là, ben, je lisais sur l'unique groupe féminin a cappella au Québec qui lance un album double, Galant, tu perds ton temps 2. Galant, tu perds ton temps, c'est une voix à 5 paliers. C'est 5 filles généreuses, candides et rigolotes, disent-elles, qui gardent une naïveté craquante. Galant, tu perds ton temps, c'est Evelyne Gélina, Isabelle Payette, Jacinthe Dubé, Josiane Hébert et Mia Lacroix. C'est aussi un galant talentueux et discret aux percussions, à la podorythmie et à la valise, Jean-François Berthiaume. Je sais pas, il me semble, quand on a de la percussion et de la podorythmie, ça reste-tu à capella? Je sais pas. Bref. Elle présente Galant, tu perds ton temps 2, un album double regroupant 14 chansons traditionnelles et 10 complaintes entièrement à capella, disponibles dès le 26 mai, donc c'est déjà fait. Des chansons provenant de sources diverses, glanées principalement dans les archives sonores ou écrites du folklore québécois et acadien au fil des années, abordant des thèmes intemporels teintés d'humour ou plus tragiques, surtout des chansons traditionnelles appartenant à un répertoire rarissime, celui des femmes, les coquines comme les soumises, celles qui ne restent pas pour autant figées dans le passé. Voilà, donc c'est Galant, tu perds ton temps. Et puis, c'est au galantupertontemps.ca ou myspace.com/galantupertontemps si ça vous intéresse. L'album s'appelle Galantupertontemps 2. J'ai l'impression de l'avoir dit 45 fois. Hein? On change de style musical complètement et là, on a terminé le francophone. Donc, on va l'entendre en anglophone punk du sub. To This Beat est le nom de l'album. Et voici Black Gold et ça commence en plein dans vos oreilles. Au 89.1 FM, c'est fou ça! C'est bon, ça. Vous êtes dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble. Et ça, c'était Sub avec l'album To This Beat. On vient d'entendre la pièce I Love Montreal featuring Jakarta. Alors ça, c'était Looking Down, Where's the Love. Et on a débuté avec Black Gold, les quatre premières pièces, très très courtes pour la plupart, de Sub, l'album To This Beat. C'est un groupe de Saint-Jean sur Richelieu, Montréal, Québec, Canada. Ça, Sub. Ils sont au myspace.com/sub ou encore subcentral.com. Et ils vont être en spectacle le 2 juin à 17h au Pub Saint-Élisabeth de Montréal. Ensuite, ils vont être au studio Juste pour rire le 5. Ils vont être à Montebello après ça, Toronto, et puis Trois Pistoles. Je sais pas, un paquet de dates comme ça, mais pas de Trois-Rivières. Sinon, ben, tu sais, je regarde ça. Là. Je regarde sur leur MySpace. Il n'y a pas d'autres petites affaires à dire. Une vidéo. Ouais. Des choses à voir. C'est des affaires le fun. Puis des plein d'amis. Plein d'amis. Ça, To This Beat, c'était vraiment très pertinent comme intervention, ça. On va continuer avec la musique de Scatterheart. Leur album s'appelle The Master Plan. Tout de suite, voici Beautiful. À C'est Fou 89.1 FM. You are the one, you shine like the sun. You're beautiful, beautiful. It seems to me that everyone should see you're beautiful, beautiful. Even when you're sad, especially when you're mad, you're beautiful, beautiful. How do I know I see into your soul? You're beautiful, beautiful. When will they know? When will it show? When will they know? Sooner, sooner. You're gonna sooner, wanna sooner, tell me. She never lies, she's beautiful, beautiful. She knows who you are, she shines like a star. She's beautiful, beautiful. Just be yourself and nobody else. You're beautiful, beautiful. Sure. Sooner, sooner, you're gonna wanna tell. Sure. Sooner, sooner, soon, you're gonna wanna be soon, soon now, soon now, you're beautiful. C'est le boss de l'écoute. From a heart to put their eyes. Every night I stare up above at the sky. Makes me scared, Mary swears it's alright. Excellent, ça. Maria de la formation Scatterheart, c'est leur album de Master Plan. Avant ça, il y a eu We Are Stars. Et puis, on a commencé avec Beautiful au début du bloc. Scatterheart, très bon ça. Et là, j'étais sur MySpace, comme on appelle. T'sais, les gens, ils vont là-dessus, les enfants, là. Ils vont checker les petites filles. Et puis là, ben, je cherchais Scatterheart. C'est Scatterheart Band, leur adresse, myspace.com, avec Scatterheart Band. L'album est sorti au début mars, mais on vient de le recevoir ici, assez fou. Ils sont partout, ces gars-là. YouTube, iTunes, site web, Facebook, MySpace, tout est là. C'est un groupe de Vancouver, en Colombie-Britannique. Scatterheart.ca, c'est aussi une autre façon de les rejoindre. Voilà, donc leur album s'appelle The Master Plan. On reste du côté canadien pour aller entendre Jay Specter. Non, je ris moi-même de comment j'ai passé beaucoup de temps à dire rien pour réussir à trouver l'adresse de Scatterheart. Je trouvais ça drôle. Jay Specter, c'est le prochain avec Too Little Too Much. Tout de suite, voici Luck Ain't My Lady. Assez fou! Probably never meet. I just met this girl and she swept me off my feet. Her name is pessimism, dressed in fresh skepticism. Held me down myself and overthink my decisions. But she's always there for me. She found another man. Why she wouldn't wait for me, I will never understand. She left me with this cold-hearted bitch named Regret, who trips over my tongue in front of everyone I've ever met. She said, I'll sink if I don't swim. It's hard to swim when her claws have already started. concentration, just enough for condemnation. We got them condoms waiting, adultery heavy on conscious state, and keeping it down in front of the wife so we can avoid the confrontations. Further complications forced to sit with accomplished patients, and cold sweats like windows covered in condensation. Becomes a common case when people just won't accommodate, taking advantage of each other, all the fate that's gone away. And we're left wondering, and bringing my family deep within the home, cause times have changed now, it's times are strange now, but I'm not sure we can fix your problems as such later. Try to wait out the storm with all the same vibes of it, breaking away, making a maze, leaving a way I spin. Warning, these clouds are falling, and we're all just running around with our tails between our legs, with the mountains all around us and New York's beginning to rage, screaming warning, this world is warning. Song so pure, I wrote it just for her. She filled my lungs so nobody could ever hear my screams. Maybe it's me, maybe it's you. I'm not sure, but I'll find out soon. Maybe it's you, maybe it's me. Won't somebody wake me up from this? Sure, but I'll find out soon. Maybe it's you, maybe it's me. Won't somebody wing me off? Yes, Adieu Alexis de Jay Spector, c'est de l'album Too Little Too Much. On a aussi entendu Whirlwind et au début, Luck Ain't My Lady. J'ai bien aimé, moi, Jay Spector. Il se dit hip-hop acoustique folk, j'ai pas vraiment vu le hip-hop là-dedans. C'est pour ça sûrement que j'ai aimé ça. C'est un artiste de Toronto en Ontario et puis il est en spectacle. Il va être en spectacle à la fin du mois d'août. À Saint-Jean-Port-Joli au Québec, c'est le fun. Sinon, c'est en Ontario pour l'instant. JSpector.com, Spector finit par T-R-E. Ça vous intéresse. Là-dedans, il y a James Oliver, John Embry, Sean Siegel, Jeremy Drury, plein d'autres gens que je connais pas, mais que j'aimerais bien connaître parce qu'ils m'ont l'air sympathiques. T'sais. Un style qui passe du funk au soul, au rythme du monde, avec une sensibilité rock, énergisante et tight. Ils disent tight. On dit serré, tu sais. C'est bien serré. C'est une belle famille, tu sais, ce groupe-là. Bref, Jay Spector, moi j'ai aimé ça. C'est Too Little Too Much. Allez voir myspace.com dans les Jay Spector Music ou jspector.com. On passe du côté canadien au côté alternatif anglophone pour aller entendre une simple pièce. On appelle ça un simple dans le domaine, on pourrait dire aussi un single. Un single. C'est la formation Elysian. Voici Sink Beneath the Sun. C'est dans le poste d'écoute de C'est fou. On découvre toutes les nouveautés musicales pour encore 1h07. Restez là. La formation est la sienne avec leur simple Sink Beneath the Sun dans le poste d'écoute de ces fous. Ça dit sur myspace.com/bandalicienne, et là, retenez bien l'adresse, là, bandalicienne, parce que c'est pas le même groupe sur l'autre adresse. Ça dit que c'est un groupe avec Didier Cossour à la voix et la guitare, David Lefebvre, Maxime Williams, Sven Berus. C'est un groupe belge. Ils sont aussi au alicienne.be si ça vous intéresse. Pour l'instant, c'est la seule pièce qu'on a, donc on va devoir se contenter de si peu. Restez avec nous une troisième heure du poste d'écoute. S'en vient, on va entendre entre autres Endangered Ape, Amelia Earhart, Final Thought et Neurophonic dans le poste d'écoute. Restez là. Ah oui! Hey, partez pas là. C'est la troisième heure du poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble. Enfin, on essaie de faire une émission de 3 heures qui se tient avec la musique qu'on sait pas trop ce que c'est d'avance. T'sais, je reçois la pile comme ça, puis là, ben, je décide qu'est-ce que je fais jouer par rapport à soit le fait que c'est francophone, la priorité là-dessus, sinon les groupes canadiens, les groupes anglophones alternatifs. Je regarde les pochettes des fois, je regarde leur nom, ce qu'ils nous ont envoyé comme information. T'sais, si c'est des membres de groupes qu'on connaît, des fois, on peut peut-être leur donner priorité aussi. Bref, c'est comme ça que ça marche. C'est un peu n'importe quoi le poste d'écoute, mais c'est tellement le fun d'écouter pendant 3 heures chaque semaine, les vendredis matin en direct à 10h. Rappel, les lundis après-midi à 15h. Dans cette troisième heure du poste d'écoute, il va y avoir Neurophonic avec Here and Now. Il va y avoir Final Thought avec Take This Home et Amelia Earhart qu'on a entendu dans les palmarès. C'est fou récemment. Pas dans les palmarès en tant que tel, mais dans la portion activité parascolaire où on fait jouer d'autres affaires de d'autres stations de radio. Et Amelia Earhart est un nom qu'on entend souvent dans le domaine des radios universitaires, donc on a bien hâte d'entendre ça. Mais on va commencer cette troisième heure avec un groupe punk alternatif qui s'appelle Endangered Ape. L'album s'appelle Ape Shall Not Kill Ape, et c'est pas un album, c'est un maxi. Commençons par la pièce Ghost Countdown. Oh, avec le mot palmarès dedans, Countdown. Est-ce que ça va finir sur le palmarès? On verra bien, hein? T'sais, on sait pas. J'ai aucune idée. C'est fou! We'll be right back. particulièrement agressant comme musique, ça. C'est un genre. C'était Endangered Ape avec Whites of My Eyes de l'album ou du maxi Ape Shall Not Kill Ape. Avant ça, c'était la pièce Ghost Countdown. Moi personnellement, Mathieu Plante, moi, là, c'est pas vraiment mon genre de musique de me faire crier les oreilles comme ça. Je trippe pas. Mais c'est un genre. C'est Endangered Ape. Allons voir sur le myspace.com/Endangered Ape. C'est un groupe qui vient du sud de l'Alberta, du garage post-punk psychédélique. Oui, psychédélique. On aime ça des P comme ça. Ben voilà. myspace.com/Endangered Ape. Si ça vous intéresse, c'est pas mal ça pour ça. Maintenant, on passe à quelque chose que j'entends souvent le nom, c'est Amelia Earhart. J'entends ce nom-là dans les radios underground ou les radios alternatives. Et puis, j'en ai entendu un petit peu dans les Palmarès C'est Fou, la dernière édition, là, la plus récente, avant celle-là qui va jouer, là, tu sais, l'autre. Puis, j'avais aimé ça. Hein? C'est le fun, hein? C'est vraiment un fait intéressant pour vous, j'en suis certain, tu sais, que j'avais trouvé ça le bon, tu sais. C'est le fun. Donc, voici Amelia Earhart, je me la ferme pour les prochaines minutes. Voici Holic, comme dans, tu sais, un mot qui finirait par holic, alcoolique, workaholic, etc. J'avais promis que je me la fermais, puis j'ai pas arrêté de parler. C'est un peu comme ça des fois, tu sais. Jacasse. Une vraie poule, Mathieu Plante. Tout le temps en train de parler. Vous êtes dans le poste d'écoute. On découvre les nouveautés. Ici, à C'est Fou. We'll be right back. to tell him. I'm sure to tell him. He laid sugar in leather. I'm sure to tell him. We'll be right back. trois plus récentes pièces du maxi, le plus récent, Skeleton de Amelia Earhart, ici dans le poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble. Maxi Skeleton pour Amelia Earhart. Si vous connaissez le nom, c'est parce que c'est un personnage historique, pionnière de l'aviation américaine, Amelia Earhart. C'est aussi un personnage, je crois, dans Night at the Museum, Battle of the Smithsonian, film qui sort cette semaine, petite référence niaiseuse comme ça. Bref, c'est pas le nom de la personne qui est dans le groupe, non. Le groupe est composé de James Stewart et de Ryan Grieve, qui se sont formés à l'été de 2008 et qui font de la musique depuis ce temps-là, si vous ne saviez pas. Maintenant, vous savez, disent-ils sur leur MySpace, au myspace.com/ Amelia Earhart Band. Earhart, c'est écrit difficile à prononcer aussi, E-A-R-H-A-R-T. Pas évident, tu sais, comme nom de groupe quand tu choisis ça, surtout pour des francophones, tu sais. Voilà, myspace.com/ Amelia Earhart Band. Et puis, le maxi s'appelle Skeleton. Aussitôt qu'on reçoit un album complet, on le fera jouer dans le poste d'écoute, évidemment. On continue du... j'ai oublié de dire que c'est un groupe de l'Alberta, ça, Amelia Earhart. Donc, c'était pour faire ma transition en disant « On reste dans le Canadien ». Pour aller entendre la formation Final Thought et leur... c'est aussi un maxi. Personne ne fait des CD complètes aujourd'hui, il me semble. Voilà, donc « Take des sons » mais le nom de ce maxi. Voici « Grow Up » tout de suite dans le poste d'écoute de C'est Fou au 89.1 FM. C'est la radio campus de Trois-Rivières. C'est le poste d'écoute. Pot et Hand of Cards. C'est pas si mauvais, ça. Ça fait de leur maxi Take This Home. Ça a été précédé de Take You Home, la pièce. Et on a débuté avec Grow Up, Final Thought, qui est au myspace.com/. Final Thought, Final Thought. Retenez bien l'adresse parce que la première Final Thought n'est pas le bon groupe. On dit ça à tous les groupes, hein. Il me semble, les groupes, ils trouvent tous des noms qui ressemblent à d'autres. C'est un groupe de Barrie, en Ontario. Extrêmement longue biographie sur leur MySpace, si ça vous intéresse. Leur maxi est disponible sur iTunes en ce moment. On passe à un autre groupe canadien. On pourra l'entendre Neurophonic avec Here and Now. On commence par j'espère que c'est pas une faute d'orthographe. J'espère que la pièce s'appelle bien comme elle est écrite. Voici Nerve Again. Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble. J'essaie de le dire trop vite, ça se déboule. Nouveautés musicales, c'est ici dans votre radio 89.1 FM. C'est fou ça! Beat me down, I know this game. Hold me down. This is not what they I can, waiting for the morning to come. A shadow at the end of the street, not long enough for me to be real. Holding on as long as I can, I'm holding on till the end. They made me believe, they made me believe. But now fear can push me away. I'm here to stay, I'm here to stay. This is not what they promised. This is not what they promised. Childhood lost and never found, I can't run away. Eclipse de Neurophonic, ça vient de leur nouvel album Here and Now. Ça a été précédé justement de la pièce titre Here and Now. On a débuté avec Never Again. Je sais même pas marqué dans la pièce. Ça disait vraiment Never Again ou Never Again. Je suis un mauvais animateur, moi là. Peu importe, mais Never Again, c'est ce qui a débuté tout ça. Neurophonic, qui est un groupe du Québec. Ça dit pas leur ville en particulier sur leur site web, myspace.com/Neurophonic. Leur maxi est disponible en ce moment sur iTunes et Amazon MP3. Les membres sont Holly, John, Dom, Sim et Fred. J'imagine qu'ils sont pas mal tous des francophones avec leur nom. Là. Et j'imagine aussi que c'est un groupe qui a l'air de naviguer passablement bien entre le Boys Band Simple Plan et de la musique écoutable, je dirais. Je sais pas, c'est mon verdict là-dessus. Je l'entends juste une fois, c'est le principe du poste d'écoute. Je pourrais pas donner un verdict plus sévère que ça, dire j'aime ou j'aime pas. Mais bref, c'est Neurophonic avec Here and Now. Et tellement ils sont québécois, je vais les appeler Neurophonic, comme tout le monde va faire. Hein? On continue notre poste d'écoute où, comme je disais, on écoute les nouveautés sans trop savoir ce qui s'en vient pour la toute première fois à la radio sur les ondes de C'est Fou. Pas l'émission, hein, quand même. Pas la première fois qu'on fait ça. Mettons que ça fait comme plus ou moins exactement 5 ans, 6 ans. J'ai vérifié la date tantôt. Je sais qu'on approche notre anniversaire, c'est le fun. On s'en va entendre Pax Kings. J'ai entendu parler. En fait, j'avais mis ce CD-là sur ma pile de CD que je ferais sûrement pas jouer parce que j'ai pas le temps et que leur pochette est vraiment laide. Petite pochette bleue de papier avec un carton dedans. C'est vraiment très, très pas vendeur comme façon de faire. Mais j'étais sur Facebook et Maxime Robin, qui est un ancien animateur de C'est Fou et artiste musical par excellence, allez le voir, maximerobin.com, il fait très bien ce qu'il fait. Bref, il parlait de Pax Kings sur son Facebook. Hein, je me suis dit, ben tiens, moi le faire jouer d'abord. Hein, tu sais, si Maxime Robin m'a dit de le faire jouer. Ben, il m'a pas dit de le faire jouer, mais bon. Hey, je vais-tu me la fermer aujourd'hui? Je suis donc bien excité. Voici Single Track de Pax Kings dans le poste d'écoute avec Mathieu Plante et beaucoup trop de caféine ce matin, je pense. J'ai pris un moyen pourtant. Je l'ai bu en dedans de 10 minutes avant de commencer l'émission, puis il a fait effet. Hein. C'est le fun. écoute Pax Kings avec High Tech Digital Troll de l'album homonyme Pax Kings. Avant ça, c'était Single Track. C'est comme ça qu'il appelle la première pièce, le single, si on veut. Il va être en spectacle ce soir, vendredi le 29 mai. C'est vous écoutez en direct. C'est à 21h au Métropolis, oui, de Montréal. Formation québécoise, ça ne nous dit pas plus précisément c'est où, mais quand même, là-dedans, il y a Minimetric. Très bonne personne, très bonne musique qu'il fait. Et Maxime Robin. Ah, c'est ça l'affaire. C'est pour ça qu'il me conseillait de jouer ça, c'est Maxime Robin. C'est lui qui est dans le groupe, le petit fin finot. Donc, ça donne Pax Kings. C'est excellent. J'adore ça. myspace.com/PaxKings avec un Z à la fin. Nous, ben, parlant de fin, c'est la fin du poste d'écoute pour une autre belle semaine avec plein de choses musicales qu'on a écoutées. J'ai pas mis beaucoup de cœur aujourd'hui. Hein, 0 à 1 qui a débuté l'émission avec Clark and Park. Clark et Park. C'est un simple, donc un petit cœur à côté de ça, minuscule. Sub, que j'ai aimé, la dernière pièce, surtout I Love Montreal. J'ai aimé ce... qu'est-ce que j'ai aimé? Jay Spectre, quand même, pas si pire. Pax Kings, évidemment, qu'on vient d'entendre. Mais mon poste d'or cette semaine, c'est Scatterheart avec The Master Plan. C'est ce que je crois a le plus de chances de se retrouver dans le palmarès, peut-être un jour. On va se quitter d'ailleurs avec une autre pièce 2. C'est la 8e du CD, la plus courte. C'est parce que c'est le temps qui nous reste. Elle s'appelle My Love. Voilà. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du Poste d'écoute où on va découvrir toutes les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble. C'est toujours les vendredis matins à 10h, on rappelle les lundis à 15h. Je vous retrouve aussi dans les palmarès C'est fou, le condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. C'est le vendredi soir à 17h. Et dans CNX, l'émission la plus geek de la radio, les jeudis à 11h. Passez une très belle fin de semaine ou semaine si vous nous écoutez en direct ou en reprise. En direct, ben, c'est Rock Classique qui suit avec Alain Lefebvre. Restez là pour ça le lundi. Oh, c'est vrai. Oh, Jérémy Coutu, La Belle et le Mieux, La Belle et le Mieux, Jérémy Coutu. Quel beau combo d'émission. C'est ce qui s'en vient. Bye bye. To town.